France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. C'est l'histoire d'un enfant surdoué qui compose ses premières comédies musicales à l'école primaire et fabrique déjà des programmes pour ses spectateurs. Oh, sa vraie première comédie musicale dans un grand théâtre à Londres, il l'a créée à l'âge de 25 ans. Et il enchaînera, alors qu'il n'a pas 30 ans, sur Jésus-Christ Superstar à Broadway. Andrew Lloyd Webber fête cette année, le 22 mars c'était exactement, ses 70 ans. Une ribambelle de succès, d'Evita à Cats, en passant par le fantôme de l'opéra à Londres, mais aussi à Broadway où, durant les années 80, il renouvelle le genre avec des spectacles souvent entièrement chantés. À cette occasion, il sort le premier tome de son autobiographie, un beau coffret, et ce matin, nous reviendrons sur la belle carrière de celui qui, eh bien, a démarré quasiment à l'âge de 5 ans. Mais d'abord, je vous propose d'ouvrir cette 42e rue par un air, un film, une comédie musicale qui a marqué toute une génération et ouvert carrément le Festival de Cannes en 1979. Milos Forman, dont on a appris la disparition hier à l'âge de 86 ans, était derrière la caméra. Il avait réussi à transformer Hair en chef-d'œuvre cinématographique en changeant pas mal de choses à l'histoire qu'on avait vue à Broadway, mais en conservant ses airs les plus fameux et surtout la peinture du mouvement hippie dans les années 60. Sunshine in Hair, le film de Milos Forman, sur les chansons de Galt McDermott d'après la comédie musicale de Broadway. Écoutez, Miloš Forman, en 1979, interviewé par Christian Defay pour la radio suisse romande. Je vais faire la première présentation publique off Broadway en novembre 67 à New York. La musique, c'est de la musique qui m'a frappé. D'abord, j'ai, oui. Je n'ai pas encore compris pas un mot parce que mon anglais est trop pauvre. La musique m'a frappé énormément. L'esprit de cette pièce, l'énergie, la joie de chanter, la joie de mouvement et tout ça. J'ai voulu le faire dans ce temps-là. Mais, naturellement, comme toujours, si quelque chose est devenu un grand succès au Broadway, dans un coup, la pièce avait tellement de pères qui s'occupaient. Et je faisais en erreur de parler aux auteurs. Il faut parler aux avocats, aux ménagers, aux agents, les gens comme ça. Alors ça a duré 10 ans de simplifier de tous ces problèmes que finalement les artistes associés, M. Persky, le producteur, avec M. Butler, ont réussi de me donner la possibilité de faire le film. Vous savez, dans le théâtre, c'est beaucoup plus facile d'éviter l'histoire parce que vous voyez toujours toute la scène entière, vous mettez beaucoup de danseurs, chanteurs, il y a toujours quelque chose à regarder. Mais dans le film, Sooner or Later, il faut montrer un visage sur l'écran. Et dans ce moment, ce visage doit représenter quelque chose, quelqu'un, quelque personnalité, profondeur. Ça veut dire les relations avec les autres caractères, ça veut dire l'histoire. Alors, on a essayé de développer l'histoire beaucoup plus précisément que dans la pièce. Grâce à l'avantage de la distance 10 ans, on a cet avantage de voir les contradictions de cette époque. Mais il faut admettre que les jeunes de cette époque, les hippies, mais pas seulement les hippies, n'ont pas eu seulement le côté rosé. Ils étaient, oui, très généreux, mais aussi très selfish, très arrogant. Voir les contradictions, voir l'humour dans cette situation, c'est bon. Miloš Forman, dont on a appris la disparition hier, avait eu, vous l'avez compris, un coup de cœur pour ce spectacle. Il expliquait aussi « J'ai vécu tellement longtemps sous le régime communiste que quiconque luttait contre le communisme était pour moi un héros. Les Américains étaient pour moi des héros parce qu'ils avaient combattu au Vietnam, justement contre le communisme. Hair, dans mon interprétation au cinéma, est un hommage à la liberté. En tant que tel, la liberté surpasse tout. J'étais ravi de voir à quel point ce pays, l'Amérique, était libre puisqu'il arrivait à se regarder dans le miroir et à apercevoir également son côté plus obscur. » Alors son adaptation de Hair est certainement plus caustique que le spectacle qu'on voyait à Broadway. Et d'ailleurs, les auteurs de Hair à Broadway n'apprécieront pas. Forman, en tout cas, a eu un rapport à la musique dès sa jeunesse. Ce n'est pas anodin qu'il met en scène au cinéma Amadeus, Ragtime, autant de films où la musique joue une grande part. En République tchèque, où il grandit, orphelin, car ses deux parents tombent sous le joug des nazis, c'est au théâtre qu'il se forme. Dès sa jeunesse, au lycée à Prague, il met en scène des spectacles amateurs, dont une pièce musicale d'avant-guerre, la balade en chiffon, avec déjà un petit orchestre et des danseurs. Son frère travaille à Prague dans un théâtre, l'opérette de Bohème. Il y traîne, flaire l'odeur du théâtre, mais il ne veut pas être acteur. Il s'achète une première caméra à l'âge de 30 ans. Les deux premiers films de Miloš Forman tourneront autour de la musique, en particulier l'audition. En 1964, on retrouvera déjà sa causticité. C'est un faux documentaire autour d'un casting de chanteuses dans un théâtre cabaret qui était à la mode à l'époque à Prague. Le Sémaphore, dirigé par Jiří Suchý et Jiří Slitter, compositeur pop de plusieurs comédies musicales au cinéma et musicien de jazz. Miloš Forman y traînait dans ce cabaret et il avait été impressionné lors de véritables auditions par la façon dont un micro pouvait littéralement transformer, je cite, « n'importe quel LED drone en vamp ». Pour son court-métrage, il embauche des acteurs non professionnels et rend compte, avec beaucoup d'humour, de l'absurdité de la vie quotidienne des gens ordinaires. Voici un extrait de l'audition, court-métrage de 64, avec des chansons composées par Jiří Slitter. « Miloš Forman disait, une comédie musicale comme Air, c'est plus difficile qu'un autre film parce qu'il faut collaborer avec plus d'ego que normalement. D'habitude, il y a le metteur en scène, le producteur, l'acteur. Ici, il y avait en plus la chorégraphe, les chanteurs, les danseurs. Alors quand je dis ego, c'est pas péjoratif, je veux pas travailler avec des gens qui n'ont pas d'ego, mais c'est vrai qu'il faut composer avec tout le monde. 3 ans après ce premier court-métrage, l'audition en 64, Miloš Forman tourne pour la télé une autre comédie musicale, l'adaptation d'une opérette jazz du même compositeur, Jiří Slitter, un des bijoux de l'âge d'or du même cabaret, théâtre, Sémaphore. Ça s'intitule Une promenade bien payée. Ça raconte le dilemme d'un couple sur le point de divorcer qui reçoit l'héritage d'une tante pour leur enfant qu'ils n'ont pas. Une comédie musicale jazz autour donc de l'amour et de l'argent. Forman en fait un téléfilm avec l'un des auteurs, Jiří Sushi, dans le rôle du facteur qui a le blues. Já přilepím si známku na čelo, razítkem omráčen přestanu vnímat vše, co mě celý život bolelo, a snad si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš, a já už tomu věřit začínám. Stejně se jednou stanu holubem a budu lítat s poštou při měsíci. Picasso neví, že mám za lubem přebrat mu jeho krásnou holubici. Budem si spolu jako děti, tak jako děti na tichou poštu hrát. V krajině exotických pohlednic z mrtvého moře se pak napijem. Pěvecký sbor poštovních úřednic bude nám k tomu zpívat rekviem. Nevyplacený blues, mý nevyplacený blues, blues, který se nevyplácí, to je to moje blues. To je všechno. Promiňte, budu si vás muset odškrtnout, abych vám nedal ještě jeden. En République tchèque, Miloš Forman participera aussi à des spectacles multimédia qui mélangent la lanterne magique, des projections, des musiciens, des acteurs. Et puis il va tourner ses premiers films en République tchèque, Les Amours d'une blonde, nommé aux Oscars en 65, et Au feu les pompiers en 67. Il va recevoir l'autorisation de voyager aux États-Unis en 67, justement, où il peut tourner un premier film américain chez Paramount. C'est là, en arrivant, en mettant le pied sur le sol américain et à New York, qu'il découvre Hair, qu'il mettra 7 ans à pouvoir tourner. En fait, les Oscars qu'il recevra pour Vol au-dessus d'un nid de coucou vont carrément débloquer la situation. Entre-temps, avec son ami Jean-Claude Carrière, ils se mettent à écrire le scénario de Taking Off. Et puis, Miloš Forman se sert même à la mise en scène à Broadway. Alors, dans le plus petit théâtre de Broadway, The Little Theater, avec sur scène, dans un duo à huis clos, Delphine Seyrig, qui incarnait une femme qui prenait peu à peu possession de l'appartement d'un don Juan vieillissant chez lequel elle s'était introduite. C'était l'adaptation en anglais de l'aide-mémoire de Jean-Claude Carrière. Bon, pas un grand succès, seulement 7 représentations à Broadway et des critiques pas très gentilles. Mais Miloš Forman expliquera, il y a peu de metteurs en scène qui arrivent à mettre en scène aussi bien un film qu'une pièce de théâtre. Incontestablement, le meilleur d'entre eux, c'est Ingmar Bergman. Moi, je n'en fais pas vraiment partie. Il me manque cette imagination abstraite que le théâtre exige. En tout cas, on entendra beaucoup de belles musiques dans les futurs films de Milos Forman, dans Amadeus, bien sûr, dans Ragtime, musique signée Randy Newman, dont parlait hier Thierry Jousse, dans son émission Cinéma Song sur France Musique, ou encore dans Man of the Moon, avec la musique de R.O.M. L'un des tout derniers films de Milos Forman est musicaux, et c'était une nouvelle adaptation de l'opérette de 66, une promenade bien méritée qu'il met en scène avec ses deux fils jumeaux. Il rend hommage à nouveau à la poésie de Yiri Sushi et à la musique de Yiri Slitter. Les deux auraient aimé voir cette pièce montée à Broadway. En voici un extrait, un spectacle qui fut donné au prestigieux Théâtre National de Prague en 2009. Hello, darling. Hello. Hello, everybody. How are you, my friends? Tak už jsem tady. Vaše pozvání mě dojalo. A tak jsem nemeškala. Vanilko, dítě moje, to jsem. Tak snad mě políbíš, ne? A teď mi řekni, který z těchhle pánů je tvůj muž. Já ho chci políbit, tenhle ten. Ne ten. Jo, tenhle. Tenhle ten. A how are you, my beautiful boy? Tak jakou pak jste měla cestu? Jak se letělo? Boeing? Boeing? Nad kanálem potkala jsem málem barokního anděla. Haleluja, haleluja, barokního anděla. Měl perutě ze zlata a já celá dojatá do očí mu hleděla. Haleluja, haleluja, do očí mu hleděla. Možná, že to byla pouhá vidina, pasažérů jsem se zeptat styděla. Možná, že jsem byla sama jediná, která něco podobného viděla. Byl to cherub se zasněným pohledem z barokního oltáře. Aleluja, aleluja, z barokního oltáře. Dívala jsem se mu daleko hledem přímo do tváře. Aleluja, aleluja, přímo do tváře. Myslíte si, že byl jen bledě modrým přeludem, a nebo na nejvýš jedním z posledních? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, aleluja. Sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, on vous a mis quelques liens de vidéos musicales, de films musicaux de Milos Forman, et puis vous pouvez également sur francemusique.fr réécouter le Ciné Tempo qu'avait consacré Thierry Jousse en septembre à Milos Forman, une seule adresse donc francemusique.fr. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Et maintenant, joyeux anniversaire, Andrew Lloyd Webber. Think of me fondly when we've said goodbye. Remember me once in a while, please promise me you'll try. Then you'll find that once again you long to take your heart back and be free. Thank you. Christine. Bravo! Long ago, it seems so long ago, how young and innocent we were. She may not remember me, but I remember. Flowers fade, the fruits of summer fade. Oh, 42e rue fête ce matin l'anniversaire d'Andrew Lloyd Webber, 70 ans et un renouvellement incontesté de Broadway dans les années 70. Un instant des sonorités orientales, un patchwork symphonique, pop, avec des chœurs d'enfants typiques d'Andrew Lloyd Webber. Il a que 20 ans lorsqu'il compose cette lamentation « Close Every Door ». Le moment où le héros de cette histoire tirée de la Bible, Joseph, emprisonné, chante l'espoir et chante que les enfants d'Israël ne sont jamais seuls. C'était Donny Osmond dans l'adaptation au cinéma de cette comédie musicale. Joseph et le manteau technicolore en 1999 que Andrew Lloyd Webber crée à Londres. Il n'a même pas 20 ans. En 68, la même année que Hair. C'est en fait la comédie musicale qui va lui mettre le pied à l'étrier. Au départ, une commande pour une cantate pop, c'est comme ça qu'on dit, de 22 minutes par un chef de chœur. Et au final, un album complet, puis un spectacle monté sur scène et écrit avec son premier parolier, Tim Rice. Et puis pour débuter, juste auparavant, extrait du film Le fantôme de l'opéra de Joël Schumacher, eh bien Think of Me par Amy Rossum et Patrick Wilson. Carrière étonnante quand même que celle de ce compositeur Andrew Lloyd Webber, enfant prodige qui a composé une vingtaine de comédies musicales tout au long de sa carrière. Dans son autobiographie qui vient de sortir, on découvre que tout a débuté très tôt. Déjà, sa mère voulait à tout prix faire de ses enfants une star. Elle s'apitoiera d'abord sur Andrew et puis ensuite sur son frère Julian qui deviendra un grand violoncelliste. Et puis le grand-père de Andrew Lloyd Webber chantait à l'église. Et puis le père fut un des plus jeunes organistes et chefs de chœur. Il fut professeur au Royal College of Music. Il fut patron du London College of Music. Et à sa disparition, Andrew Lloyd Webber découvrira que son père avait caché de nombreuses compositions magnifiques. Enfant, en fait, Andrew Lloyd Webber va aussi découvrir, et c'est l'autre pan de ses passions, les grands pantomimes typiquement britanniques qui fleurissent à Noël à Londres, notamment au Palladium. Des pantomimes, des grands spectacles qui mélangent décors fastidieux, têtes d'affiche et musique contemporaine. Et chez lui d'ailleurs, à l'âge de 10 ans, il recrée un théâtre miniature où il utilise, pour la petite histoire, par exemple, une platine disque qui fait office de plateau tournant, comme sur une vraie scène de théâtre. Voilà, Andrew Lloyd Webber a 10 ans, en 1958, et il raconte qu'il découvre en quelques semaines plusieurs spectacles qui vont en plus changer sa vie, spectacle ou film, My Fair Lady, West Side Story, Gigi et South Pacific. Son père, en écoutant une chanson de South Pacific de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, lui dira « Si un jour tu écris une mélodie au moins aussi bonne à moitié que cet air-là, Enchanting Evening, je serai fier de toi. » Some enchanted evening, you may see a stranger, you may see a stranger across a crowded room, and somehow you know even then, that somewhere you see her again. Some enchanted evening, someone may be laughing, you may hear her laughing across a crowded room, and night after night, as strange as it seems, the sound of her laughter will sing. Explain it, who can tell you why? Fools give you reasons, wise men never try. Some enchanted evening, when you find your true love, when you feel her call you, across the crowded room, let her go. Once you have found her, never let her go. Paolo Zotte dans South Pacific à Broadway. En 2009, chanson modèle, chanson chérie par Andrew Lloyd Webber, dans son autobiographie, il affirme « Je développais, à 10 ans, un monde dans lequel je pouvais me cacher et où j'étais vraiment heureux. » C'est vrai qu'à 10 ans, Andrew Lloyd Webber écrit des comédies musicales qu'il chante avec son frère Julian, lui au piano, et son père, bienveillant, les fait même publier dans un magazine, The Music Teacher, sous le titre « Le théâtre en jouet ». L'une de ses toutes premières comédies musicales, à 10 ans, ça s'intitule Ernest, une comédie musicale d'une importance gigantesque, voilà, il est déjà mégalo et ironique. Et bien des années plus tard, il reprendra un des thèmes de ce spectacle dans sa comédie musicale Aspects of Love. Après le succès en 1968 de son premier spectacle présenté à Londres, Joseph et le manteau Technicolor, qu'il écrit avec son nouveau parolier, Tim Rice, aussi jeune que lui, ils explorent tous les deux d'autres thèmes. Pourquoi pas une comédie musicale autour de Richard Cœur de Lion ? Non, l'histoire est trop statique. Alors, pourquoi pas quelque chose autour de la question de Bob Dylan dans sa chanson « With God on Our Side » en 64. Pourquoi ne pas explorer les derniers jours du Christ sous la perspective de Judas. Ça sera au départ un concept album et Andrew Lloyd Webber, à 22 ans, a déjà tout en tête. Ça sera la fusion d'un orchestre symphonique, d'une section de cuivre, d'un chœur de gospel, d'un groupe de rock, tous réunis autour d'un chanteur de blues. Le morceau qui ouvre le spectacle résume tout cela à lui seul et on fait appel pour cette voix soul à Murray Head pour incarner le héros. Andrew Lloyd Webber ajoute des synthés, l'album fera un malheur aux États-Unis et c'est à Broadway qu'il sera monté. Every time France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. And the money kept rolling in from every side. Ava's pretty hands reached out and they reached wide. Now you may feel it should have been a voluntary cause, but that's not the point, my friend. When the money keeps rolling in, you don't ask how. Think of all the people guaranteed a good time now. Ava's called the hungry to her, open up the doors. Never been a fund like the foundation Ava Perot. Would you like to try a college education? Own your landlord's house, take the family on vacation. Ava and her blessed fund can make your dreams come true. Here's all you have to do, my friends. Write your name and your dream on a card or a pad or a ticket. Throw it high in the air and should our lady pick it. She will change your way of life for a week or even two. Name me anyone who cares as much as Ava Perot. To the poor, to the weak, to the destitute of all complexions. Now cynics claim a little of the cash has gone astray, but that's not the point, my friends. When the money keeps rolling out, you don't keep books. You can tell you've done well by the happy, grateful looks. Accountants only slow things down, figures get in the way. Never been a lady loved as much as Ava Perlman. What's a girl to do? Dream a little off the top for expenses, wouldn't you? But where on earth can people hide their little piece of heaven? Thank God for Switzerland, where a girl and a guy with a little petty cash between them can be sure when they deposit no one's seen them. Oh, what bliss to sign your checks as 30127. Never been a count in the name of Ava Perlman. Et littéralement, l'argent coule à flot. C'était Mandy Patinkin en 79 à Broadway, dans le rôle du narrateur dans Evita, cette biographie romancée d'Eva Perón, le nouveau projet auquel s'attaquent ensuite Tim Rice et Andrew Lloyd Webber. De la musique qui mélange pop et sonorité latine, la fusion, comme l'aime Andrew Lloyd Webber. Alors c'est la seconde comédie musicale du compositeur à l'affiche à Broadway. Il y en aura bien d'autres. Cats, Sunset Boulevard, Le Fantôme de l'Opéra. Aujourd'hui, School of Rock. Dans son autobiographie, Andrew Lloyd Webber lève un voile sur ses influences musicales. Alors, il y a le rock du bagne d'Elvis Presley, par exemple. Une des séquences l'a fait se lever littéralement de son fauteuil à chaque projection alors qu'il avait 10 ans. Et puis, il y a aussi son compositeur classique préféré, Sergei Prokofiev. En particulier, il adore sa 7e sonate pour piano. Et le rythme de cet air, en 7-8, il va le réutiliser en fait dans chacune de ses comédies musicales, à commencer par l'ouverture de Cats. Et aussi dans un autre air de Cats, la danse de Mungo Jerry et Rumpelteazer. The greatest magicians have something to learn from Mr. Mistopheles' conjuring turn. Mungo Jerry and Rumpelteazer were a notorious couple of cats, as knockabout clowns, quick change comedians, tight rope walkers and acrobats. They had an extensive reputation. They made their home in Victoria Grove. That was merely their center of operation, for they were incurably given to rove. If the area window was found ajar and the basement looked like a field of war, if a tile or two came loose on the roof, which presently ceased to be waterproof, if the drawers were pulled out from the bedroom chests and you couldn't find one of your winter vests, or after supper one of the girls chest, her Woolworth pearls. Then the family would say, it's that horrible cat. It was Mungo Jerry or Rumpelteazer, and most of the time, they left it at that. Mungo Jerry and Rumpelteazer had an unusual gift of the gab. They were highly efficient cat burglars as well, and remarkably smart at a smash and grab. They made their home in Victoria Grove. They had no regular occupation. They were plausible fellows who liked to engage a friendly policeman in conversation. When the family assembled for Sunday dinner, their minds made up that they wouldn't get thinner on Argentine joint, potatoes and greens. Then the cook would appear from behind the scenes and say in a voice that was broken with sorrow, I'm afraid you must wait and have dinner tomorrow. The joint has gone from the oven like that. Then the family would say, it's that horrible cat. It was Mungo Jerry or Rumpelteazer, and most of the time, they left it at that. Mungo Jerry and Rumpelteazer had a wonderful way of working together. And some of the time, you would say it was luck. And some of the time, you would say it was weather. They go through the house like a hurricane, and no sober person could take his oath. Was it Mungo Jerry or Rumpelteazer? Or could you have sworn that it mightn't be both? And when you heard a dining room smash, or up from the pantry there came a loud crash, or down from the library came a loud ping from a vase which was commonly said to be Ming, then the family would say, now which was which cat? It was Mungo Jerry and Rumpelteazer. And there's nothing at all to be done about that. About that. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night, but there's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night, but at the end of the tunnel, there's a light. Hey, it's the power of James Watt, the steam scout. It's the power. Westerns will be humming. Still we'll have a second coming. Un autre air en 7-8 comme aime en inclure Andrew Lloyd Webber dans ses comédies musicales, c'était Light at the End of the Tunnel, extrait de Starlight Express, une version interprétée par Gregory Porter qu'on découvre dans le coffret Unmasked qui vient de paraître chez Universal, un magnifique coffret avec quelques autres versions inédites. Eh bien, j'ai 5 doubles albums à vous offrir. Pour les recevoir, il vous suffit de nous écrire. Vous allez sur la page de 42e rue sur francemusique.fr et vous n'oubliez pas de nous indiquer votre adresse. Bon, Andrew Lloyd Webber a aussi des prétentions plus élevées dans la musique classique. En 85, il imagine un requiem à 3 personnages. Placido Domingo, Sarah Brightman, Paul Miles Kingston. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Thank you. Hosanna, extrait du Requiem d'Andrew Lloyd Webber avec Placido Domingo et l'orchestre de Saint-Luke, dirigé par Laurine Mazel, à découvrir sur ce double CD que je vous offre, ou plutôt que 42e rue et France Musique vous offre. Direction la page de 42e rue sur francemusique.fr dans l'actualité. Notez aussi le retour de Madiba, la comédie musicale de Jean-Pierre Adida autour de la vie de Nelson Mandela. Ça sera à l'Olympia les 21 et 22 avril et en tournée en France jusqu'au 31 mai. La programmation musicale de l'émission. Les vidéos, vous retrouvez tout ça sur francemusique.fr. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Enfin, notez que le prochain cabaret 42e rue, le 6 mai, en direct, recevra le Duke Ellington Orchestra de Laurent Mignard pour une séance de variation autour de Mary Poppins. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Moni, Xavier Atto, Perrine Mingui, on vous souhaite un très bon dimanche. Dans un instant, restez avec nous, vous retrouverez Jean-Baptiste Urbain. À réécouter sur francemusique.fr.